Bonjour à tous, c'est Valérie Blouin qui est avec vous jusqu'à 13h. Je vous souhaite la bienvenue à cette nouvelle édition du Grain de sable d'Ata Québec en ce magnifique 18 mai 2013. Alors, je rappelle que le Grain de sable est une émission axée sur l'économie sociale. Cette semaine, nous aurons un entretien avec Madame Marie-Joëlle Brassard, directrice de la recherche et du développement au Conseil québécois de la coopération et de la mutualité. Mais d'abord, on écoute la chanson « S'envoler peut-être » du groupe Le Petit Son. Toujours pareil, le fric, la thune, le blé, l'oseille. T'as cru qu'il y avait qu'à se baisser pour ramasser. T'as voulu être le plus fort, monter que des uns s'en fout la mort. Mais là t'es tombé sur un os un peu féroce. Mais faut aérer les prisons, enlever les barreaux des fenêtres, ouvrir les portes des maisons et s'envoler. Peut-être. Comme un bébé, ta mère que t'as osé cogner, elle qu'a jamais su dire non. Pauvre petit con, où sont passées tes envies, celles que t'avais quand t'étais petit. Je deviendrai un grand artiste ou journaliste. Mais faut aérer les prisons, enlever les barreaux des fenêtres, ouvrir les portes des maisons et s'envoler. Peut-être. La pauvreté, tu voulais pas être comme ton père dans la misère. Pour être heureux, faut le vouloir, essayer de garder espoir, se laisser pousser des ailes rebelles. Mais faut aérer les prisons, enlever les barreaux des fenêtres, ouvrir les portes des maisons et s'envoler. Peut-être. Alors, c'était la chanson « S'envoler peut-être » du groupe Le Petit Son. Vous écoutez présentement Le Grain de sable avec Valérie Blouin. Et aujourd'hui, je reçois l'invitée, donc Madame Marie-Joëlle Brassard. Bien le bonjour. Bonjour. Alors, bienvenue à notre émission. Merci. Alors, ça nous fait plaisir de vous accueillir à nouveau. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et dans un premier temps, j'aimerais que vous rappeliez à nos auditeurs ce qu'est le Conseil québécois de la coopération de la mutualité et aussi le rôle que vous jouez en tant que directrice. Alors, le Conseil québécois de la coopération et de la mutualité est une organisation à l'échelle du Québec qui concerte et qui représente l'ensemble du mouvement coopératif et mutualiste, tant les petits que les moyens et les gros. Donc, on est une organisation de troisième niveau, c'est-à-dire qu'on regroupe des regroupements sectoriels. Par exemple, les coopératives forestières, les coopératives scolaires, les funéraires, aussi les plus gros, donc par exemple les mutuelles d'assurance La Capitale ou encore Desjardins, et évidemment l'habitation, les services à domicile. Donc on a comme qui dirait les classes moyennes, les petits et les gros, et puis on constitue un lieu de rencontre du mouvement coopératif et mutualiste. L'intercoopération étant un principe de ce qu'est la coopération au Québec comme à l'international. Alors, on va pouvoir en parler aujourd'hui de ce concept-là. Et très intéressant, ça doit regrouper pas mal de coopératives, n'est-ce pas? Ça regroupe 3300 coopératives au Québec. Bon, excellent. Merci pour l'information. Et en septembre 2012, lors de notre dernière entrevue, vous nous disiez que le mouvement coopératif québécois est un phénomène unique en Amérique du Nord. Ça coïncidait également à un moment d'une grande rencontre internationale du mouvement coopératif. D'ailleurs, l'année 2012 a été déclarée par l'ONU année des coopératives. C'est bien ça? Oui. Oui, donc aujourd'hui, on va poursuivre un peu dans ce sujet-là. Donc, j'aimerais que nous fassions le lien entre le mouvement coopératif et le défi d'une économie verte, un défi auquel le Québec, tout comme le reste de la planète, devra faire face. Et c'est un petit peu inspiré d'un article récent intitulé « Vers un New Deal vert ». C'est un article du sociologue Louis Favreau. Donc, on peut le retrouver. Et lui, il soulève vraiment la dimension écologique qui est souvent un peu mis de côté. On parle de la dimension financière, mais pas la dimension écologique. Oui, effectivement. On ne peut plus aujourd'hui penser le développement, que ce soit le développement économique, que ce soit de régler la crise de l'emploi ou encore de solutionner les inégalités sociales sans introduire à l'intérieur de cette problématique la question de l'écologie. Parce qu'on vit une crise écologique qui est majeure et puis elle a des répercussions sur toutes les facettes des crises qu'on vit actuellement. Donc, on ne doit plus mettre l'écologie ou l'environnement comme étant quelque chose à côté de, si on n'aborde pas pleinement la question environnementale, on va continuer à vivre des crises majeures. Alors, justement, Louis Favreau, dans son article, lui, il propose la mise en œuvre d'un nouveau scénario de développement durable. Bon, il fait ressortir un peu la contribution particulière des coopératives et de l'économie solidaire à l'atteinte de cet objectif. Donc, comment vous voyez ça, vous? Est-ce que j'aimerais vous entendre là-dessus à propos de ce lien-là entre le mouvement coopératif et la sortie de la crise écologique? Quelle est l'importance du mouvement coopératif dans cette émergence-là de nouvelles solutions à la crise écologique? Est-ce que c'est nouveau? Est-ce qu'il y en avait avant? Est-ce que... Ben, en fait, on pourrait dire il y a eu de la coopération avant que les coopératives naissent, là, dans l'évolution du monde. Donc, on pense à une perspective à très long terme. Les coopératives existent depuis le milieu du 19e siècle de façon plus structurée, avec des modes de gouvernance et puis de la participation démocratique qui sont très bien cadrés en termes de lois, de façon de faire. Ce qui est intéressant au niveau du lien entre les coopératives et puis l'environnement, c'est à cinq niveaux là. Pourquoi le mode coopératif est plus approprié pour aborder la crise environnementale? Dans le fond, c'est ça la question. À cinq niveaux, dans le sens où une coopérative, en partant, la réponse, c'est l'objectif d'une coopérative, c'est de répondre aux besoins des êtres humains. D'abord, en réalisant des activités économiques. Alors, on comprend que le profit, l'argent, la richesse, la création de la richesse est un moyen pour répondre aux besoins, contrairement à une économie plus capitaliste où l'objectif, c'est de faire du profit. Et puis, le moyen, c'est d'utiliser notamment la force de travail pour le faire. Donc, on remet les choses à leur place. L'environnement, dans cette perspective-là, la réponse aux besoins, ben, on va être obligé de tenir compte de nos contraintes, de nos limites environnementales, parce qu'actuellement, l'équilibre se trouve brisé au niveau environnemental, et on va respecter à la fois l'être humain et à la fois l'environnement, parce qu'il faut pas oublier que l'être humain fait partie de l'environnement. Puis dans un système capitaliste, l'environnement devient une ressource à exploiter et à utiliser en dehors pour la sortir, où on sort l'être humain de l'environnement. Donc, on s'en sert comme étant un outil pour faire du profit, pour finalement faire du capital. Donc, en remettant la réponse aux besoins au centre, on réintroduit l'environnement à sa juste place. Et ensuite, il y a la question de la démocratie. C'est que dans une coopérative, le pouvoir est partagé de façon équitable et égale. C'est-à-dire qu'une personne a un vote selon l'usage, et puis on stimule les gens à participer à l'intérieur de leur entreprise. C'est collectivement, tu es propriétaire. Donc, nécessairement, tu vas t'intéresser, tu vas faire usage de ton entreprise et les décisions que tu vas prendre, ils vont te concerner en tant qu'être humain. Tandis que dans une économie capitaliste, dans l'entreprise, le pouvoir est aux grands actionnaires. Alors, ils vont prendre des décisions en fonction de générer davantage de capital. Troisième élément, pourquoi les coopératives et l'environnement vont ensemble, sont une solution finalement, la logique d'engagement dans la communauté, donc qui fait en sorte que dans une coopérative, tu t'engages dans ton entreprise et tu vis aussi dans le milieu que tu transformes, que tu orientes, que tu façonnes. Alors que la logique d'une entreprise capitaliste, c'est davantage une logique de surconsommation individuelle qui fait en sorte que tu ne penses pas collectif, mais tu penses d'abord à ce qui va t'arriver à toi comme personne. Donc, quatrième élément, c'est la logique de réponse aux besoins dont j'ai parlé tantôt. On veut bien vivre et non pas vivre avec plus. La logique de création de richesse, elle permet une redistribution dans cette perspective-là. Finalement, je conclurai en disant pourquoi l'économie, l'écologie, les coopératives, c'est une cohérence qui se tient. C'est la question de l'ancrage dans les territoires. C'est-à-dire que quand une entreprise est possédée par les gens qui vivent dans un milieu, au moment de prendre des décisions, si on ferme l'entreprise, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on la restructure? Est-ce qu'on se réoriente. La décision, elle va retomber directement sur les mêmes personnes à qui possède l'entreprise et qui vivent dans ce milieu-là. Contrairement à une entreprise capitaliste où la décision est prise à l'extérieur du milieu de vie des personnes, de telle sorte que ça n'a pas d'impact vraiment sur qu'est-ce qui va m'arriver dans ma famille, qu'est-ce qui va arriver à mes enfants. L'ancrage des coopératives dans leur territoire, dans leur milieu de vie, fait en sorte que quand on prend des décisions, ben on décidera pas de scraper l'environnement, notamment, entre autres. Donc, il faut le voir comme un tout qui s'intègre, qui est transversal dans la vie des êtres humains. Alors, c'est pas seulement juste une crise financière, économique, c'est écologique, mais c'est global. C'est vraiment un peu une crise humaine, à la limite. Oui, absolument. C'est un bon terme parce que toute la question écologique revient sans cesse dans les choix qu'on a à faire. Puis à travers l'entrepreneuriat collectif, ben les gens, ces choix-là, ils les font en s'intégrant à l'intérieur. Et on peut pas concevoir l'être humain comme étant à l'extérieur de l'environnement. On n'est pas une ressource à exploiter, les êtres humains, comme la terre n'est pas nécessairement une ressource qu'on doit considérer comme jusqu'à épuisement, là. Donc, il faut en prendre soin, comme on doit prendre soin aussi des êtres humains et prendre des décisions qui respectent l'équilibre, la vitesse aussi de régénération, parce que ça a ses limites, ça. Et donc, quand on dit que l'équilibre est brisé, c'est être capable de concevoir l'environnement, c'est être capable de concevoir sa propre équilibre en tant qu'être humain. C'est vraiment inspirant, vos mots, vraiment. Et justement, ça fait un peu, donc, le mouvement coopératif, donc, c'est vraiment une solution à la crise écologique. Je voulais vous parler, dans le fond, il y a les cinq grands chantiers. Donc, vous en avez quand même, je pense, un peu, ça s'intègre un peu dans ces cinq grands chantiers-là qui ont été abordés dans le New Deal vert, entre autres dans cet article-là de Louis Fravo, dans lequel le mouvement coopératif pourra être appelé à jouer un rôle important, comme vous l'avez décrit. Donc, le premier de ces chantiers propose de favoriser la démocratisation de l'économie et de sa territorialisation, ce que vous l'aviez mentionné. Donc, peut-être en quoi le mouvement coopératif pourrait-il contribuer à ce tel chantier? Bon, dans le fond, on commence où, hein? C'est oui. Ça que ça veut dire. Donc, Louis Favreau, qui s'est inspiré lui-même d'Alain Lipitz en Europe, Louis est un grand vulgarisateur au niveau de son blog, là où il fait des excellents articles. Lui avait résumé en cinq grands chantiers comment on commence, on fait quoi. Donc, il est question de développer un secteur non capitaliste d'entreprise collective. C'est-à-dire que toute la question de prioriser l'être humain, prioriser l'équilibre, faire un modèle autrement, construire un modèle autrement, c'est pas juste le mouvement coopératif qui le porte. Les syndicats le portent, les organisations communautaires le portent. Donc, il faut ensemble, avec les organisations environnementalistes aussi, il faut ensemble se réunir et enrichir de plus en plus ces visions différentes, les mettre ensemble. Bref, on pourrait dire mettre des pas pareils ensemble pour enrichir la société. Donc ça, c'est une première façon de le voir, démocratiser la société. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire aussi de se pencher sur des nouveaux indicateurs de richesse. La richesse, c'est quoi? Alors, il va falloir définir qu'est-ce qu'on entend par la richesse. Le produit intérieur brut, le produit national brut est calculé en fonction de l'argent qui rentre puis qui sort, puis du profit qu'on fait et tout ça. Il faut aller beaucoup plus loin que ça. Des gens en santé, des gens heureux, des gens bien portants, c'est pas nécessairement des gens riches financièrement. Des emplois de qualité. Il faut prioriser des emplois de qualité. Alors, on commence, il faut commencer par le faire. Maintenant, le contrôle des biens communs. L'eau doit pas être privatisée. La terre ne doit pas être considérée comme n'importe quelle autre richesse. On parle de souveraineté alimentaire cette semaine. Là, Madame Marois a fait une annonce à l'effet que elle s'orientait davantage vers une souveraineté, l'achat local et tout ça. Bon, ben, l'alimentation, ce n'est pas un bien comme les autres. On doit nourrir la planète. Ça fait référence à un troisième chantier. C'est aussi celui d'une agriculture écologiquement intensive, des filières équitables en alimentation et d'aménagement intégré des forêts. Oui, oui. Puis finalement, dans la démocratisation de la société, il y a toute la question d'adaptation des programmes, des mesures politiques, gouvernementales, publiques, qui doivent s'adapter aussi à une façon de penser qui est différente. Tous les programmes et les politiques actuellement, pas tous, parce que là, il y a des gens qui vont se fâcher, je les vois tous. Une bonne part. On arrive souvent à devant des murs parce que le modèle coopératif mutualiste est pas considéré à l'intérieur des mesures et programmes. Puis là, il faut commencer des démarches très fastidieuses pour être capable de s'inscrire dans différents programmes et mesures politiques. Il y a également le chantier, celui de la crise de l'énergie et du réchauffement climatique. Oui, le deuxième chantier, c'est-à-dire le deuxième, où est-ce qu'on commence? On a beaucoup de travail, hein? Les gouvernements devraient obliger les entreprises à rendre compte de l'empreinte écologique de leurs activités. On le dit souvent, c'est des mots, mais faut voir qu'est-ce que ces mots sous-tendent, qu'est-ce que ça veut dire, les externalités que les entreprises capitalistes retournent vers la société en général par le biais de l'État. C'est pas aux gens à le payer. Il y a une question de responsabilité sociale. Il y a aussi l'éco-fiscalité, c'est-à-dire on doit payer ce qu'on consomme puis le renouveler aussi. Et puis, miser sur les énergies renouvelables, c'est-à-dire on pense par exemple au programme en micro-énergie, la biomasse agricole. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup à faire. Il y a beaucoup d'expérimentation à réaliser dans ces secteurs-là. Déjà dans les coopératives, notamment la coop fédérée, ils investissent énormément là-dedans pour la biomasse agricole et puis la forêt pour ce qui est de restructurer l'économie dans les communautés dépendantes de la forêt. Alors on voit que la qualité de l'environnement ne va pas sans l'autre, la qualité de vie. Et troisième chantier, donc une agriculture écologiquement intensive, des filières équitables en alimentation et d'aménagement intégré des forêts. Oui. C'est un autre... Peut-être avez-vous autre chose à ajouter? Tout à l'heure, je mentionnais que la question de nourrir les êtres humains ne peut être décidée par une logique capitaliste. On parle de millions de gens qui meurent de faim. Ça peut pas être une logique de profit qui va déterminer si les gens vivent ou meurent. C'est incroyable. Donc ça, il faut vraiment sortir la question de l'alimentation de la logique capitaliste. C'est essentiel. si je poursuis au niveau de la quatrième les nouveaux choix chantiers, quatrième aspect. Le quatrième aspect à développer, c'est de décider des priorités par la participation citoyenne. C'est-à-dire qu'il faut qu'on devienne tous des citoyens engagés, conscients, qui sont concernés par ce qui se passe, mais aussi qu'on construise des liens sociaux entre nous pour briser l'isolement qui découle de l'individualisme. Donc, ça, c'est vraiment le quatrième, c'est-à-dire impliquer les gens dans, finalement, ce qui les concerne le plus, leur milieu de vie. Les priorités locales aussi, régionales, donc vraiment la santé, l'éducation, l'habitat, les services sociaux, donc ils peuvent, justement, tout le monde peut s'impliquer là-dedans. Absolument, absolument, c'est très clair. Cinquième grand chantier. Intensifier la solidarité Nord-Sud, c'est une question internationale. On doit, puis je reviens au premier chantier de tantôt, que je fais la boucle là, par les partenariats nouveaux, mettre ensemble des pas pareils, les syndicats, les associations, les regroupements verts. Et puis là, je vous dirai, je vais même vous dire que tantôt vous parliez de 2012, l'année internationale, où il y a eu un grand sommet international. Pour les coopératives. Pour les coopératives. En 2014, il va y avoir un sommet international. Ça va se répéter. C'est Desjardins, le mouvement Desjardins, avec l'Alliance coopérative internationale qui en sont responsables et qui le mettent en place. Donc, ça va encore une fois avoir lieu au Québec. Et puis, là-dessus, vraiment, là, on fait comme un positionnement international d'un modèle. Un modèle d'affaires, oui. Un projet de société, oui. Donc, à deux niveaux. Et puis, dans cette perspective-là, on s'en va vers des grandes alliances plus fortes pour être capable d'amener sur le plan international des relations de plus grande équité, d'égalité. Donc, peut-être avoir un petit peu plus de portée aussi au niveau de toute la concrétisation de ça. En conclusion, donc, peut-être... Il y a beaucoup de pain sur la planche, n'est-ce pas, avec ce projet de société pour sortir de la crise écologique. Est-ce que vous êtes optimiste quant à l'avenir? L'avenir, on va la décider. On va la décider ensemble. Plus il va y avoir de gens qui vont être sensibilisés à ce qui s'en vient, sensibilisés à être plus proches de leur humanité, de ce qu'ils sont en tant que personnes, parce que ce qui nous réunit tout le monde ensemble, puis qui fait que on va créer une société plus juste et plus agréable, c'est justement le fait de s'unir ensemble. Par contre, il faut être conscient aussi qu'il va y avoir des choses à changer au niveau de nos façons de penser le monde. C'est intéressant de voir aussi que le plaisir peut rimer avec travail. C'est important de se réapproprier son travail. Ça, c'est majeur. Le travail, c'est pas un temps mort qu'on va dépenser de telle heure à telle heure, puis pour revenir ensuite avec un chèque de paye. C'est pas ça le travail. Dernière question, quant à l'avenir des rémunérations exorbitantes et les parachutes dorés, des fois qu'on entend donc en secteur privé public, des fois ça fait partie du système actuel. Je sais qu'il y a eu dernièrement un référendum en Suisse, donc qui ont voté ils ont pris un certain moyen pour diminuer justement certaines primes que des directeurs, des PDG peuvent recevoir, parce qu'actuellement ça peut être des millions, qu'est-ce que vous en pensez au niveau de la crise financière? Ça, c'est plus la dimension financière. Oui, ben c'est sûr que ça rentre dans une logique capitaliste. Hein. Donc, fait plus de profit, fait plus d'argent. La valeur de la personne dépasse largement financièrement ce que ça suppose. Tout ce que je peux vous dire là-dessus, c'est que dans une entreprise coopérative, si les gens participent à leur assemblée générale annuelle, ils votent à ce moment-là le salaire de leur dirigeant. Ah. Alors, j'invite les gens qui font partie de coopératives à aller à participer très activement à leur assemblée générale annuelle pour s'approprier leur pouvoir décisionnel. Merci beaucoup, Madame Brassard. Alors, c'est une réflexion qui va se poursuivre sur le rôle que le mouvement coopératif peut jouer dans un New Deal vert. Bon succès. Et souhaitons que ce vaste projet de société se mette en place. Et je vous rappelle que vous êtes la directrice de la recherche et du développement au Conseil québécois de la coopération de la mutualité. Merci beaucoup. Au plaisir. Alors, c'est déjà le moment de l'éditorial du président Claude Vaillancourt d'Attaque-Québec. Il nous parle aujourd'hui, Michel, de quoi? Oui, Valérie, vous allez voir, il y a un lien avec les propos que vient de tenir Mme Brassard, parce que Claude se pose des questions sur cette publicité envahissante, même jusque sur le web. On écoute Claude. Lorsque je consulte certains sites Internet, comme celui de Radio-Canada ou de la presse, je suis sidéré par le nombre de publicités pour les marques d'automobiles. Rien de nouveau sous le soleil. On voit aussi ces pubs à répétition dans les journaux et à la télévision. Seulement, je m'étais mis à l'abri de cette offensive publicitaire et je parviens moins efficacement à y échapper sur le web. Est-ce que ces publicités tellement coûteuses à réaliser sont vraiment efficaces pour faire vendre la marque spécifique qu'on annonce? Est-ce que l'auditeur moyen de Radio-Canada peut se payer la Cadillac qu'on voit si souvent apparaître à l'écran? Est-ce que tout ça, ça a vraiment d'importance? Ce qu'on soutient par ces publicités insistantes, c'est tout un système commercial très rentable. Un système qui commence par la fabrication et la vente d'automobiles qui doivent s'imposer aux dépens du transport en commun et ça malgré les bouchons permanents dont sont victimes les banlieusards. Ces autos font vivre la très grande industrie du pétrole qui se développe en provoquant de terribles changements climatiques. Ce pétrole, quant à lui, fait le jeu des spéculateurs qui parient sur les variations de prix. En profite aussi la très grande industrie de la publicité qui voit dans les annonces d'automobiles une de ses principales sources de revenus. Ceci permet par la suite de financer les médias de masse qui appartiennent à de grands conglomérats tout en contrôlant le message afin que rien ne déplaise aux commanditaires. Ce qui risque peu d'arriver dans les faits, puisque tout ce beau monde partage les mêmes intérêts. Faites donc la liste de tous ceux qui en profitent. Fabricants d'automobiles, travailleurs d'automobiles, concessionnaires, marchands de pétrole, raffineurs, spéculateurs, publicitaires, journalistes, magnats des médias. Allez leur dire que ce système basé sur l'exploitation sans limite de l'automobile est destructeur, dangereux pour l'environnement, basé sur une ressource exploitée de façon éhontée, qu'il bouleverse le climat et s'épuisera un jour. Allez remettre en question le mode de vie qui va avec l'automobile, étalement urbain, autoroute, banlieue tentaculaire, centres commerciaux doublés d'immenses terrains de stationnement, privatisation de l'espace public. Allez proposer un autre mode de vie, plus respectueux de l'environnement, avec un plus grand recours aux énergies renouvelables, la densification des villes, la bicyclette, la marche, l'organisation de transports en commun efficaces et une plus grande convivialité des lieux publics. Pendant ce temps, dans des pubs parfaitement léchés, on nous montre des voitures dans de superbes paysages en symbiose avec l'environnement. On nous dit que tel ou tel modèle est économique pour l'essence. On ne cesse de nous rappeler le bonheur absolu de conduire une belle voiture neuve. Et c'est efficace. Et ça rentre dans la tête des gens. Ce type de publicité nous rappelle à quel point il est difficile de la distinguer à coup sûr de la propagande. En passant dans un autre ordre d'idées, la revue Ababar fête cette année son 10e anniversaire. Ababar, c'est le genre de revue où jamais vous ne verrez une publicité d'automobile. Ababar fait partie de ce foisonnement de médias indépendants, revues, journaux, radios communautaires, sites web qui nous permettent de voir ce qui se cache derrière les propos à l'unisson des grands médias. J'ai le plaisir de faire partie de la formidable équipe d'Ababar, et ça depuis sa 2e année. Alors souhaitons-lui longue vie à cette revue, mais aussi à tous les médias qui lui ressemblent, comme CKRL bien sûr, et l'émission Grain de sable. Alors, est-ce que monsieur a choisi? Oui, je vais prendre le tartare de saumon, s'il vous plaît. Donc, le tartare de saumon, plus les joues de bœuf, le risotto aux cèpes, le feuilleté de légumes... Ah non, excusez-moi. La bisque de homard, la poutine au foie gras... Excusez-moi. La salade d'artichaut... Mais... Et le poulet de cornouailles aux abricots façon marocaine. Ce sera tout? Ouais. Attendez-vous à plus. Avec la carte boutique voir.ca, vous recevez jusqu'à 40% de plus chez vos marchands favoris. Passez-nous voir sur boutiquevoir.ca. Après 2 années et demie de tournée, parcouru plus de 150 000 km et offert près de 200 concerts, la formation Isabeau et les chercheurs d'or fait sa grande rentrée à Québec. Je ne peux plus te chasser. Le vendredi 31 mai au Théâtre Petit Champlain, le groupe offrira le dernier concert de sa tournée à l'endroit même où elle a commencé. Isabeau et les chercheurs d'or, de retour à Québec, une soirée inoubliable avec plusieurs artistes invités. C'est un rendez-vous le vendredi 31 mai au Théâtre Petit Champlain. Une présentation de CKRL. Claude prend toujours toute la place. Dans les réunions au bureau. Donc les chiffres pour le trimestre sont... Hey, je vous ai pas conté mon histoire de pêche là. À la maison. Puis ma belle, comment ça a été à l'école aujourd'hui? Moi j'ai passé une super belle journée, puis en plus... Avec ses amis. Là, je suis allé voir la fille. Puis je... Avez-vous vu mon nouveau chandail? Il est pas payé, ben... Malgré tout, lorsqu'il roule en voiture, Claude ne prend pas toute la place. Car il sait que les automobilistes doivent partager la route avec les cyclistes et les piétons. Allez-y, madame! Un message de la Société de l'assurance automobile du Québec. Présentez votre carte de membre de CKRL et obtenez 15% de rabais chez Sebs, Thé et Lange, 67 René Lévesque Est et au Dorsey, le restaurant pub européen, 65 rue de Buade. Gardez toujours votre carte de membre de CKRL sur vous. On ne sait jamais, ça peut être payant. Faulkner, c'était un passage obligé, tu sais. Je disais tantôt, on a travaillé avec lui, ça fait, tu sais, ça fait combien d'années? Déjà quasiment 5 ans. Mountain Daisies nous révèle l'essence du country avec l'Open Country, mes invités à Sentier Secret, mardi 21 mai à 10h. CKRL est à la recherche d'animateurs pour l'émission Nouveau Cru les après-midi de semaine de 13h30 à 15h30. Informez-vous à programmation à commercialckrl.qc.ca ou téléphonez au 88 640 25 75 poste 210. Écoutez, le dimanche de 22h à 23h, La Croche-Oreille, la seule émission en art audio et électronique au Québec. Animée par Jean-Pierre Gay et Ariane Plante, La Croche-Oreille est présentée par le Centre d'artistes Avatar de Méduse. La Croche-Oreille, ce sont les sonorités du futur par des gens d'ici, aujourd'hui. Vous êtes de retour sur les ondes de CKRL 89.1. Vous écoutez présentement le Grain de sable d'Attaque Québec. Et j'ai avec moi en studio Renaud Blais. Bonjour tout le monde. Bonjour. Alors, c'est aujourd'hui ta chronique sur quelques fenêtres sur des ailleurs vues d'ici. Alors, je vais te présenter aujourd'hui. Hein? Tu es un militant altermondialiste, donc depuis une douzaine d'années. Oui. Indien inscrit en 2012 comme Huron-Wendat. À part entière. C'est bien ça. Et métis et fier de l'être. Alors, depuis des décennies, qu'est-ce que tu fais depuis des décennies? Ben, moi, je me fais le promoteur de la reconnaissance et le respect de la diversité, comme étant la nature même de la communauté humaine. Ceux qui pensent que tout le monde est blanc, riche, bon, bref. Alors, cette semaine, je vais vous présenter ma chronique, comme toujours, en deux parties, mais deux parties distinctes. La première dans la série « Quelques fenêtres sur des ailleurs vues d'ici », le Chili avec Cecilia Vandevenito. En deuxième partie, les Kurdistans, parce que j'ai participé à un colloque dans le cadre du 81e congrès de l'ACFAS à l'Université de Laval la semaine passée. Alors, pour ma première intervention, je vous présente quelques éléments tirés d'une entrevue avec une amie qui est québécoise d'origine chilienne, Cecilia Vandevenito, avec laquelle j'ai eu une entrevue et qui, pour des raisons techniques, n'a pas été enregistrée. Je vous en présente quelques éléments. J'ai aussi effectué quelques lectures, là, comme un texte publié dans le site Presse-toi à gauche, en date du 23 avril, et conçu à partir de deux articles de Jason Farman, publiés sur le site américain Socialist Worker. Alors, d'abord, vous savez que les étudiants chiliens sont toujours dans la rue. Il faudra pas écouter les nouvelles pour pas le savoir. Eh bien, ils le sont, en quelques mots, dans le but de remettre en question le néolibéralisme. Au grain de sable, je pense qu'on n'a pas besoin de définir le néolibéralisme. On sait que c'est au Chili que fut expérimentée en premier cette approche économique néolibérale dite des Chicago Boys, parce que c'est une approche développée à l'Université de Chicago qu'on a appliquée après le coup d'État au Chili. Alors, les résultats pour ce qui nous concerne maintenant, ce fut la privatisation des universités et même les écoles primaires qui ont été municipalisées. Ce fut la même chose en santé, ce qui fait que les infirmières, travailleurs sociaux et même les médecins rejoignent de plus en plus les étudiants dans la rue. Mais tenons-nous-en à l'éducation. L'accessibilité à l'éducation est la principale raison pour laquelle les étudiants sont dans la rue depuis des années et ils y sont encore aujourd'hui. Même les élèves du secondaire, qu'on appelle là-bas les pingouins à cause de leur costume spécifique. Par exemple, les écoles de quartier les plus riches reçoivent un financement beaucoup plus élevé. Le Chili a ainsi un système éducatif des plus inégalitaires au monde, ce que certains appellent un apartheid éducatif. Autre exemple, certaines universités privées, dont les frais d'inscription sont un peu moins chers, diluent la formation pour que les étudiants paient plus longtemps, tandis que certains autres, conçus pour l'élite de l'élite, sont hors de prix pour la population. Il est généralement convenu qu'un tournant s'est produit en 2006 avec les grèves étudiantes. Ceux-ci n'ont plus peur. La plupart n'étaient pas nés au moment de la féroce répression de la dictature qui dura 30 ans. Au début des années 2000, une grève nationale des étudiants a impliqué à son apogée près de 900 000 étudiants. À la suite de ce grand succès, les attentes à l'égard du gouvernement Bachelet, à l'époque, ont été grandement déçues. Le mouvement a redémarré au début de 2011. Il y a eu ces années-là plus de 40 grandes manifestations tout au long de l'année. En 2012, la manifestation la plus importante a réuni 130 000 personnes à Santiago. Et après les vacances d'hiver, le mouvement est maintenant reparti de plus belle. N'oubliez pas que nous sommes au Chili, dans l'hémisphère sud, et que les saisons sont inversées par rapport à nous au nord. Alors, si tu veux maintenant nous en parler dans l'actualité plus immédiate. Voilà. La semaine dernière, dans les rues de Santiago, beaucoup scandaient Bachelet, Piñera, même misère. Bachelet, c'est l'ancienne première ministre, et Piñera, c'est l'actuel premier ministre. On indique que la cote de popularité du parti de Piñera a plongé à 23 %. Le parti d'opposition, soi-disant de gauche de Bachelet, fait encore moins avec 19 %. À l'opposé, 80 % des Chiliens soutiennent les étudiants dans les rues. Selon le chercheur Jerry Weber des États-Unis, cité par Presto à gauche, je cite, « Au fur et à mesure que le mouvement étudiant prend de l'ampleur, il polarise et accumule les forces autour de lui, et avec ces nouvelles forces, le mouvement rencontre de nouvelles causes, fait sienne de nouvelles exigences, acquiert de nouvelles sources de réflexion sur la manière dont les différents secteurs sociaux sont, de manière diverse, confrontés à un ennemi commun, qui s'exprime en fin de compte à travers l'État néolibéral établi des décennies plus tôt, pendant la dictature, mais jamais démantelée, sous la démocratie électorale. Voici quelques revendications des étudiants. La réduction de l'importance des tests standardisés pour les examens d'admission à l'université. Aussi, on réclame le financement des universités publiques, le rétablissement du contrôle de l'État sur les universités publiques qui ont été privatisées, l'augmentation des impôts pour les riches et la fin d'une organisation de l'enseignement qui considère celui-ci comme une entreprise à but lucratif. Une autre citation du même auteur. L'enseignement est un droit et non un privilège pour quelques-uns. Selon un porte-parole des organisations de parents et de tuteurs qui soutiennent les étudiants, aussi il est clair que les étudiants réclament que l'université cesse d'être une entreprise, ni une machine à fabriquer du profit, ce qu'il a été pendant toutes ces années. Alors, c'est la première histoire à suivre sur le Chili dans l'actualité. Et est-ce qu'il y a d'autres questions dans l'actualité au Chili que étudiants? Vous avez certainement entendu parler des débats autour d'un projet de mine avec la Barrick Gold, notre chère minière canadienne, qui a dû récemment interrompre la construction d'une mine à ciel ouvert parce qu'elle souhaitait déplacer un glacier. Pardon? Imaginez, déplacer un glacier pour faire une mine à ciel ouvert. Puis ce glacier-là... On parlait d'environnement tout à l'heure, de territoire, c'est incroyable. Ce glacier-là, c'est le seul approvisionnement en eau pour de nombreux villages, autant pour l'agriculture que pour les humains. Rien de moins. Alors, à cause des conséquences environnementales énormes, le gouvernement n'a pas eu le choix d'intervenir et de stopper le projet. Mais bon, je pense pas que la minière n'en restera là. Elle prévoit extraire, imaginez, 750 000 onces d'or et 3 millions d'onces d'argent par an durant 20 ans. C'est bien plus important, ça a bien plus de valeur que de l'eau. Oh ben, c'est bien évident. Quand on pense en banque. Je dis cela ironiquement. La minière ne laissera pas tomber, surtout qu'un retour de Mme Bachelet comme première ministre est très envisageable. Alors, c'est une deuxième histoire à suivre au Chili. Oui, assez. On dirait que c'est dans l'absurde, mais non, c'est la réalité. N'y a-t-il pas d'autres questions avec les Autochtones? Il y a la question des Mapuches, qu'on dit en français, ou Mapuche en espagnol, qui habitent le sud du continent depuis bien avant l'arrivée des colonisateurs européens. Là, ce sont des projets de construction de centrales hydroélectriques qui les fait descendre dans la rue à cause des inondations de leurs terres ancestrales que ces projets prévoient. Ce conflit européen-Mapuche remonte au moins au traité de Tordesillas qui divise en deux leur pays. Ce traité-là, là, l'Amérique du Sud et le monde, est alors, au nom de la paix, divisé en deux, entre Espagnols et Portugais. On peut voir cette division-là encore aujourd'hui entre le Brésil et le reste de l'Amérique du Sud. C'était une décision du pape Alexandre VI, un Borgia, ce qui n'est pas rien, et dont la décision fut rendue dans cette ville en 1494. Cela fait donc quelques générations que ces Indiens Mapuche rivalisent avec les colonisateurs. C'est une troisième histoire à suivre dans l'histoire, l'actualité chilienne. Alors ça, c'est vraiment pour le Chili, ça. Ouais. Donc, un peu, mais merci beaucoup, Renaud, de nous avoir mis à jour au niveau de la situation actuelle au Chili. Et j'invite aussi les gens à voir le film « No ». Si vous ne l'avez pas vu encore, qui parle du Chili dans les années 70 ou 80, durant le temps de la dictature. Alors, c'est déjà l'heure d'une pause musicale. Oui, oui. Alors, Michel, qu'est-ce que tu nous proposes aujourd'hui? Oh, excusez-moi, oui. C'est Ranil et su conjunto tropical dans la pièce musicale. Ah, je me disais, pourtant, Valérie, que oui, je pense que ça m'a échappé. Voilà. Alors, on écoute. Alors, c'était la pièce, la chanson Chinito Rulo avec le groupe Rani Les Conjunto Tropical. Et non, vous n'êtes pas dans l'émission Kekalor. Ça va se poursuivre à 13h exceptionnellement cette semaine, donc de 13h à 15h. C'est moi qui l'anime. Alors, je vous invite à venir me rejoindre dans la musique haïtienne et latino-américaine. Mais pour l'instant, je suis avec Renaud Blais, avec sa chronique « Quelques fenêtres sur des ailleurs vues d'ici ». Et tu nous as parlé un peu de la situation actuelle au Chili, vue par une Chilienne qui est établie ici. Ouais. Et maintenant? On parle des Kurdistan, et non pas du Kurdistan. Vous verrez pourquoi. Alors, moi, pour vous situer, depuis une trentaine d'années, moi, j'ai un dossier dans mes filières qui s'intitule « Peuple sans État ». C'est une petite passion personnelle, là, bon. Il y avait des Croates, des Bosniaques, des Ukrainiens, par exemple, qui ont changé de dossier, parce que vous savez que maintenant, ces peuples ont un État à eux. Le plus important groupe, et celui qui m'intéresse le plus depuis des années, ce sont les Kurdes. Avec ce colloque dont je vous ai parlé, qui recevait sur 2 jours parmi les plus grands spécialistes du Moyen-Orient la semaine dernière à l'Université Laval, j'ai pu confirmer plusieurs des idées et en ajuster certaines autres. Le thème de ce colloque était d'étudier les suites du printemps arabe, à savoir s'il ne pourrait pas s'expliquer par le filtre d'une montée des minorités. Alors, on a eu droit à toutes les minorités possibles, du Maroc jusqu'à l'Irak, là, qui... Mais bon, je vous fais grâce de tout le détail, mais au sujet des Kurdes, principalement, selon un des éminents spécialistes, les Kurdes sont de très loin le plus important peuple du Moyen-Orient et toujours sans État. Puis ça, c'est pas juste selon spécialistes, c'est de la démographie élémentaire, là. Une avancée de la question kurde pourrait certainement contribuer à rendre plus sereine la vie dans cette région du monde. Alors, je commence par quelques chiffres pour se situer. Les Kurdes sont entre 30 et 35 millions. Imaginez, c'est comme le Canada entier. 15 millions sont en Turquie, 7 à 8 millions en Iran, 5 en Irak, 2 en Syrie et près de 10 millions en exil, dont plusieurs, surtout d'origine turque, en Allemagne. Sans que leur situation soit rose, depuis qu'ils ont bénéficié d'une protection américaine durant la guerre en Irak, dans la province du Nord, ils ont pratiquement une autonomie de fait. Ce qui constitue une base arrière importante pour ceux de Turquie. Imaginez les combattants turcs qui s'en vont attaquer les bases militaires ou les points militaires, là, les bureaux de l'armée turque. Puis après ça, ils peuvent se replier en Irak, ils traversent la frontière. Puis bon, ça crée une dynamique nouvelle depuis ce moment-là. Puis aussi, et le premier ministre Erdogan de Turquie, lui qui souhaite redorer son image afin d'augmenter ses chances de rejoindre l'Union européenne, ben il a entrepris des tractations avec quelques des plus grands partis kurdes. La preuve en est les résultats obtenus avec la déclaration du célèbre prisonnier kurde, Abdullah Öcalan, qui est le chef d'un des principaux partis de la rébellion en Turquie, qui est le PKK, ou en français le Parti des travailleurs du Kurdistan. Il a demandé à ses partisans d'abandonner les armes et de participer à la vie démocratique du pays. À terme, les tensions risquent de diminuer et depuis quelques années, par exemple, les Kurdes de Turquie peuvent enseigner leur langue dans quelques écoles primaires, ce qui était punissable de mort et à venir jusqu'il y a quelques années. En Iran, d'autre part, il existe une relative indépendance culturelle, mais rien de politique. Puis en Syrie, ben, il se pourrait bien qu'une province kurde soit créée dans le cadre du conflit actuel. On entend parler qu'il y a des tractations à cet effet-là. Ça va être intéressant à suivre, mais ouais. Les perspectives d'avenir pour le Moyen-Orient? Ben, toujours dans le Moyen-Orient, là, le monsieur, le professeur dont je vous ai parlé tantôt, c'est monsieur Qatar Abou Diab, qui affirme que de repenser les frontières, ben, les grands dirigeants internationaux y résistent toujours le plus possible, parce qu'ils voient toujours une poêle de crabe, là, dans le sens, si on commence à ouvrir des frontières, ça pourrait être partout dans le monde. Bon, alors, il y a de la résistance. Oui, oui. Puis au Moyen-Orient, par exemple, avec la fin de la Syrie, ce serait de l'instabilité, dit-il, pour de 10 à 20 ans. Alors, c'est presque impossible d'y penser. Mais d'autre part, il affirme que ce serait la solution à bien des problèmes. Ce serait aussi de répondre aux promesses faites à la fin de la Première Guerre mondiale, qui était aussi le même moment qui a été, ça a été la fin de l'Empire ottoman. Alors, ce serait une façon de répondre... On avait, à ce moment-là, fait la promesse aux Kurdes qu'on leur créerait ou qu'on leur permettrait de se faire un État, un peu comme on a fait avec les Palestiniens. Mais 100 ans plus tard... C'est pas fait encore. Quelque chose? Moi, j'ai envie d'ajouter... y aurait-il moins d'instabilité si les frontières restent figées ou si on les ouvre? T'sais, dans le sens que si on n'ouvre pas les frontières, ça va continuer à se battre. Puis si on les ouvre, on appréhende de l'instabilité. Fait que je sais pas laquelle instabilité qui est la pire, là. Fait que je vous laisse là-dessus pour aujourd'hui et pour la saison. Je vous souhaite, auditrices et auditeurs, un très bel été. Rendez-vous au Festival d'été, entre autres, et peut-être à la saison prochaine. Je l'espère fort bien, Renaud. Alors, merci, Renaud, pour cette chronique toujours aussi intéressante. Donc, oui, déjà la dernière de l'année. Alors, on se donne... Je dis qu'on se donne un rendez-vous à l'automne prochain. Bon été, alors. Il y a bien d'autres fenêtres sur des ailleurs venus d'ici qui pourraient se présenter. Tellement intéressant. Alors, c'est déjà l'heure pour les événements à surveiller. J'invite Michel Monnette à me rejoindre. Oui, Valérie. Oui, je suis là. Alors, un bon calendrier, encore une fois. Oui, plusieurs événements. J'en ai retenu trois cette semaine. Trois qui sont vraiment, qui valent la peine d'être signalés. Tout d'abord, un qui est en lien avec une entrevue qu'on a réalisée il y a peut-être trois semaines de mémoire, comme ça, là. C'est à propos du commerce équitable. Il y a un marché local et équitable qui a lieu où il y a saveurs et découvertes, que ça s'intitule au pluriel dans les deux cas. Ça a commencé vendredi, mais ça se poursuit aujourd'hui et c'est jusqu'à 17h. C'est au centre-ville, à la place de l'Université du Québec, à l'intersection du boulevard Charest et de la Couronne. Alors, c'est un marché qui réunit plusieurs producteurs de la région et plusieurs fournisseurs aussi de produits équitables. C'est une activité qui se veut aussi culturelle et éducative. Alors, on découvre des produits équitables de la région et en plus, il y a un aspect culturel, il y a un aspect éducatif. L'objectif est, les objectifs étant de sensibiliser la population à la consommation locale avec les valeurs de développement durable. Grâce à cette occasion de rencontre, le public découvrira une grande variété de produits disponibles dans la région. Ça, c'est une première activité intéressante. C'est aujourd'hui, cet après-midi, ça se poursuit jusqu'à 17h. Tout à fait. Et c'est magnifique. C'est une belle journée pour aller au centre-ville de Québec. Il fait beau, un peu frais, mais c'est quand même très beau. Autre activité à signaler, c'est l'Université féministe d'été 2013 à l'Université Laval. Ça, c'est au pavillon Charles de Coninck. L'endroit principal, là, c'est l'amphithéâtre 1C, pour ceux qui connaissent les lieux. Ça, c'est cette année, le thème vraiment central, c'est technologie, libération ou exploitation des femmes. Alors, il y a un colloque interdisciplinaire qui va avoir lieu. C'est sur les développements technologiques considérables des dernières décennies qui transforment partout dans le monde les représentations et les pratiques, les conditions de vie, le développement social. Et ça a un impact, évidemment, sur la vie des femmes, sur l'avancée du mouvement féministe. Si personne aujourd'hui ne voudrait se priver des avantages qui en découlent, force est de constater que les retombées ne sont pas toutes positives et n'affectent pas tout le monde de la même manière. Il y a de profondes inégalités sociales qui existent non seulement dans l'accès aux nouvelles technologies, mais aussi dans l'utilisation qui en est faite et dans leur contrôle. On sait entre autres que les femmes sont moins présentes, beaucoup moins présentes que les hommes dans le secteur des nouvelles technologies. Par contre, on aime bien utiliser les nouvelles technologies pour exploiter davantage les femmes que les hommes. C'est assez paradoxal, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Alors, ce sont des inégalités particulièrement marquées, notamment entre les hommes et les femmes, ainsi qu'entre les différentes régions. De plus, l'ampleur, la rapidité et la complexité des changements qui nous touchent directement et indirectement font en sorte qu'il est difficile de se tenir à jour et de conserver une certaine distance critique. D'où la question que les organisateurs posent dans le titre de la 11e édition de l'Université féministe d'été, c'est-à-dire technologie, libération ou exploitation des femmes. Alors, c'est une semaine intensive d'échanges et de ressourcement accompagnée de spécialistes œuvrant dans différents domaines et disciplines. Elle est ouverte, l'Université d'été, à tout le monde, sans préalable, à toute personne intéressée. Il est possible aux étudiants des universités québécoises, de l'ensemble des universités québécoises, d'obtenir des crédits de premier ou de deuxième cycle. Bon, il est peut-être un peu tard, mais quand même, il y a moyen de s'informer au 418-656-2131, là, mardi matin, au poste 8930. Et enfin, dernier événement qui vaut la peine d'être signalé, ça, c'est du 24 au 30 mai, c'est le Festival de films d'environnement de Québec au cinéma Quartier. Ça, c'est le Stéphane Carré, qui est directeur de la programmation et cofondateur avec Roland Smith du Festival de films de l'environnement de Montréal, qui en était à sa 5e édition cette année. Il nous a proposé aux gens là, du cinéma Quartier de tenir un événement semblable à Québec. Et voilà qui fut fait. Mm-hmm. L'idée nous est apparue aussi pertinente, disent les gens du cinéma Quartier, voire primordiale même socialement. Alors, c'est sur Terre dansée, donc, que le cinéma Quartier propose 7 films traitant de l'état actuel de notre monde. Éveilleuse de conscience, ses œuvres parlent de protection de la nature, de gestion raisonnée des ressources, de qualité de l'air, d'effet de serre, d'énergie, de solidarité, de démocratie participative. Tiens, on parlait avec Mme Brassard tantôt d'urbanisme. Et oui, des sujets qui nous tiennent à cœur. Exactement, d'alimentation, mais aussi par-dessus tout de l'environnement et des luttes citoyennes menées pour un meilleur avenir. Alors donc, je vais... j'ai le temps de mentionner les films. Il y a Tous Cobayes, le vendredi 24 mai à 19h30. La Terre outragée le 25 mai à 19h30. C'est pas mal tous à 19h30, les films. Ensuite, In Transition 2.0 le 26 mai. Quelques hommes courageux le 27 mai. Héritage fête, le combat pour demain, le 28 mai. Naturopolis, New York, la révolution verte. Ah, ça, c'est étonnant d'entendre oui, ça, hein, n'est-ce pas? Ça pique la curiosité. Oui, le 29 mai. Malgré qu'ils ont un Central Park, c'est un parc magnifique au cœur de New York. Ensuite, le dernier film, toujours à 19h30, hein, tous les jours c'est 19h30, on ne peut pas se tromper, le 30 mai, Rivière perdue. Voilà, ça fait le tour des événements que je voulais signaler cette semaine. Merci beaucoup, Michel, pour cette revue d'événements de la semaine. Et c'est déjà le mot de la fin. Alors, j'aimerais remercier notre invitée de cette semaine, Madame Marie-Joëlle Brassard, du Conseil québécois de la coopération et de la mutualité. Ça fait une entrevue au sujet du mouvement coopératif. Et je vous invite, si vous avez manqué l'entrevue, nous sommes en balado-diffusion, donc vous allez pouvoir retrouver notre émission sur le site de CKRL. Et également un grand merci au président d'Attaque Québec, Claude Vaillancourt, pour son éditorial. Et également, merci à Renaud Blais pour sa chronique mensuelle, Quelques fenêtres sur des ailleurs vues d'ici. Alors, on a parlé aujourd'hui du Chili et également des Kurdes, n'est-ce pas? Voilà. Et c'était déjà la dernière de la saison pour Renaud Blais. Un grand merci également à Michel Monette qui, chaque semaine, s'occupe de la réalisation, choix musicaux et la mise en onde. Un grand merci pour tout le travail que tu fais au niveau de la recherche et d'organisation. Très, très, très apprécié. Je rappelle, donc c'est ça, les enregistrements sont disponibles sur le site de CKRL 89.1, l'onglet programmation et recherchez le nom Le Grain de Sable, vous allez nous trouver. Également, vous pouvez les trouver sur le site d'Attaque Québec, www.quebec.attaque.org. Et également, il y a toujours des bulletins d'informations qui sont sortis pour les campagnes, et également les sujets que Attaque Québec tient à jour. Donc, je vous invite à aller visiter le site et également, vous pouvez nous entendre sur ce site. On a également un blog, donc si vous ne le connaissez pas encore, vous venez de nous découvrir, je vous invite à aller voir legraindesable.qc.org. Également, vous allez pouvoir revoir les émissions qui étaient faites depuis 2011, je crois, décembre 2011. Donc, plein de sujets au niveau d'économie sociale qui sont traités. Et on va mettre les liens que Mme Brassard, le lien entre autres vers le blog de Louis Favreau. Oui, tout à fait. L'article donc a été question. Et vers l'organisme de Mme Brassard. Tout à fait. Oui. Donc, voilà. Et vous pouvez nous retrouver sur Facebook et également sur Twitter. Alors, voilà, c'est déjà tout pour aujourd'hui. Je vous invite à rester des nôtres sur les ondes CKRL. C'est Kick à l'heure qui commence à 13h. Alors, première partie, ce sera de la musique haïtienne et c'est moi qui aurai l'occasion d'animer cette émission. Alors, je vous souhaite un excellent samedi et on se rejoint la semaine prochaine, samedi midi, pour une nouvelle édition du Grain de Sable. Téléchargez Le Grain de Sable sur ckrl.qc.ca ou abonnez-vous à son podcast sur iTunes.